les larmes ont oublié de couler, on n'y peut rien. Je compte les corps tombés de ce sablier d'humain, y'en a déjà un paquet en bas. Et au rythme où ça déraille, l'arrêt, le train ne le desservira pas. On attend tous quelque chose d'unique, une destinée, un chemin, une voie, un pouvoir ou une tunique. Un truc à se mettre sous la dent, plus consistant qu'un repas de pâte. Une montée vers la joie, pas un replat de panse. Je suis tombé là un après-midi de juin, sous les cerisiers garnis et le soleil voilé d'un début d'été. Les pieds alourdis par la complexité de la vie, je veux repartir le cœur léger. J'ai perdu confiance le jour où j'ai ouvert les yeux. Je l'ai regagné les nuits passées à saisir l'enjeu et à comprendre que rien ne te retient, sauf tes chaînes que sont tes doutes, tes larmes et tes peines. Chaque soir, je regarde le ciel se coucher en espérant comme un gosse l'éclipse qui vient tous les 1000 ans. L'horizon se charge d'un envol d'éléphant. Les coudes sur la fenêtre, les yeux dans le vide, j'attends. J'attends. Les coudes sur la fenêtre, les yeux dans le vide, j'attends. Progénés et meurent comme des galaxies à échelle humaine. Un déchet en une semaine devient best-seller. Les étoiles d'un jour sont si nombreuses que l'échelle de temps, la réussite, l'échec sont des notions trompeuses. Le cerveau formaté défile des images et des sons, et l'intérêt constant pour la rage et les sens. Moi j'attends la suite avec l'espoir indemne de voir au loin un envol de pachyderme. Les lâches hibernent afin de retarder l'échéance, faisant profit sur l'ignorance des massinaires. Je fais mon bonhomme de chemin en évitant la neige, patient devant ma ligne que je franchis de l'intérieur, si loin que j'espère proche ce moment, cette éclipse qui vient tous les 1000 ans. L'horizon se charge d'un envol d'éléphant. Les coudes sur la fenêtre, les yeux dans le vide, j'attends. J'attends. Les coudes sur la fenêtre, les yeux dans le vide, j'attends.